Malgré l'activité des bourreaux, les préparatifs du supplice ne purent être achevés avant le coucher du soleil. On consulta le jongleur qui défendit de troubler les génies des ombres, et ma mort fut encore suspendue jusqu'au lendemain. Mais, dans l'impatience de jouir du spectacle, et pour être plus tôt prêt au lever de l'aurore, les Indiens ne quittèrent point le bois du sang. Ils allumèrent de grands feux et commencèrent des festins et des danses. Cependant, on m'avait étendu sur le dos. Des cordes partant de mon cou, de mes pieds, de mes bras, allaient s'attacher à des piquets enfoncés en terre. Des guerriers étaient couchés sur ces cordes, et je ne pouvais faire un mouvement sans qu'ils n'en fussent avertis. La nuit s'avance, les chants et les danses cessent par degrés. Les feux ne jettent plus que des lueurs rougeâtres, devant lesquelles on voit encore passer les ombres de quelques sauvages. Tout s'endort. À mesure que le bruit des hommes s'affaiblit, celui du désert augmente, et au tumulte des voix succèdent les plaintes du vent dans la forêt. C'était l'heure où une jeune indienne, qui vient d'être mère, se réveille en sursaut au milieu de la nuit car elle a cru entendre les cris de son premier-né qui lui demande la douce nourriture. Les yeux attachés au ciel, où le croissant de la nuit errait dans les nuages, je réfléchissais sur ma destinée. Atala me semblait un monstre d'ingratitude. M'abandonner au moment du supplice, moi qui m'étais dévoué aux flammes plutôt que de la quitter. Et pourtant, je sentais que je l'aimais toujours et que je mourrais avec joie pour elle. Il est dans les extrêmes plaisirs un aiguillon qui nous éveille, comme pour nous avertir de profiter de ce moment rapide. Dans les grandes douleurs, au contraire, je ne sais quoi de pesant nous endort. Des yeux fatigués par les larmes cherchent naturellement à se fermer. Et la bonté de la Providence se fait ainsi remarquer jusque dans nos infortunes. Je cédais malgré moi à ce lourd sommeil que goûtent quelquefois les misérables. Je rêvais qu'on m'ôtait mes chaînes. Je croyais sentir ce soulagement qu'on éprouve lorsque, après avoir été fortement pressé, une main secourable relâche nos fers. Cette sensation devint si vive qu'elle me fit soulever les paupières. À la clarté de la lune, dont un rayon s'échappait entre deux nuages, j'entrevois une grande figure blanche, penchée sur moi et occupée à dénouer silencieusement mes liens. J'allais pousser un cri, lorsqu'une main que je reconnus à l'instant me ferma la bouche. Une seule corde restait, mais il paraissait impossible de la couper sans toucher un guerrier qui la couvrait tout entière de son corps. Atala y porte la main. Le guerrier s'éveille à demi et se dresse sur son séant. Atala reste immobile et le regarde. L'Indien croit voir l'esprit des ruines. Il se recouche en fermant les yeux et en invoquant son Manitou. Le lien est brisé. Je me lève. Je suis ma libératrice qui me tend le bout d'un arc dont elle tient l'autre extrémité. Mais que de dangers nous environnent. Tantôt, nous sommes près de heurter des sauvages endormis. Tantôt, une garde nous interroge. Et Atala répond en changeant sa voix. Des enfants poussent des cris, des dogues aboient. À peine sommes-nous sortis de l'enceinte funeste que des hurlements ébranlent la forêt. Le camp se réveille, mille feux s'allument, on voit courir de tous côtés des sauvages avec des flambeaux. Nous précipitons notre course. Quand l'aurore se leva sur les Appalaches, nous étions déjà loin. Quelle fut ma félicité lorsque je me trouvai encore une fois dans la solitude, avec Atala, ma libératrice, avec Atala qui se donnait à moi pour toujours. Les paroles manquèrent à ma langue. Je tombai à genoux et je dis à la fille de Simaghan, « Les hommes sont bien peu de choses. Mais quand les génies les visitent, alors ils ne sont rien du tout. vous êtes un génie, vous m'avez visité, et je ne puis parler devant vous. » Atala me tendit la main avec un sourire. « Il faut bien, dit-elle, que je vous suive, puisque vous ne voulez pas fuir sans moi. Cette nuit, j'ai séduit le jongleur par des présents. J'ai enivré vos bourreaux avec de l'essence de feu, de l'eau de vie, note de l'auteur. Et j'ai dû hasarder ma vie pour vous, puisque vous aviez donné la vôtre pour moi. Oui, jeune idolâtre, ajouta-t-elle avec un accent qui m'effraya. Le sacrifice sera réciproque. » Atala me remit les armes qu'elle avait eu soin d'apporter. Ensuite, elle pansa ma blessure. En l'essuyant avec une feuille de papaya, elle la mouillait de ses larmes. « C'est un baume, lui dis-je, que tu répands sur ma plaie. Je crains plutôt que ce ne soit un poison, répondit-elle. Elle déchira un des voiles de son sein dont elle fit une première compresse, qu'elle attacha avec une boucle de ses cheveux. L'ivresse, qui dure longtemps chez les sauvages et qui est pour eux une espèce de maladie, les empêcha sans doute de nous poursuivre durant les premières journées. S'ils nous cherchèrent ensuite, il est probable que ce fut du côté du couchant, persuadés que nous aurions essayé de nous rendre au Metchasebe. Mais nous avions pris notre route vers l'étoile immobile, le nord, note de l'auteur, en nous dirigeant sur la mousse du tronc des arbres. Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que nous avions peu gagné à ma délivrance. Le désert déroulait maintenant devant nous ses solitudes démesurées. Sans expérience de la vie des forêts, détournés de notre vrai chemin et marchant à l'aventure, qu'allions-nous devenir ? Souvent, en regardant Atala, je me rappelais cette antique histoire d'Agar que Lopez m'avait fait lire et qui est arrivée dans le désert de Bersabé il y a bien longtemps, alors que les hommes vivaient trois âges de chêne. Atala me fit un manteau avec la seconde écorce du frêne, car j'étais presque nu. Elle me broda des mocassines, chaussures indiennes, note de l'auteur, de peau de rat musqué, avec du poil de porc-épic. Je prenais soin à mon tour de sa parure. Tantôt, je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves bleus que nous trouvions sur notre route, dans des cimetières indiens abandonnés. Tantôt, je lui faisais des colliers avec des graines rouges d'azaléa. Et puis, je me prenais à sourire en contemplant sa merveilleuse beauté. Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. Atala appuyait une de ses mains sur mon épaule, et, comme deux cygnes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires. Souvent, dans les grandes chaleurs du jour, nous cherchions un abri sous les mousses des cèdres. Presque tous les arbres de la Floride, en particulier le cèdre et le chêne vert, sont couverts d'une mousse blanche qui descend de leurs rameaux jusqu'à terre. Quand la nuit, au clair de la lune, vous apercevez sur la nudité d'une savane une gueuse isolée revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme traînant après lui ses longs voiles. La scène n'est pas moins pittoresque au grand jour, car une foule de papillons, de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de jets d'azur, vient s'accrocher à ces mousses qui produisent alors l'effet d'une tapisserie en laine blanche, où l'ouvrier européen aurait brodé des insectes et des oiseaux éclatants. C'était dans ces riantes hôtelleries, préparées par le grand esprit, que nous nous reposions à l'ombre. Lorsque les vents descendaient du ciel pour balancer ce grand cèdre, que le château aérien bâti sur ses branches allait flottant avec les oiseaux et les voyageurs endormis sous ses abris, que mille soupirs sortaient des corridors et des voûtes du mobile édifice. Jamais les merveilles de l'ancien monde n'ont approché de ce monument du désert. Chaque soir, nous allumions un grand feu et nous bâtissions la hutte du voyage avec une écorce élevée sur 4 piquets. Si j'avais tué une dinde sauvage, un ramier, un faisan des bois, nous le suspendions devant le chêne embrasé, au bout d'une gaule plantée en terre, et nous abandonnions au vent le soin de tourner la proie du chasseur. Nous mangions des mousses appelées tripes de roche, des écorces sucrées de bouleau et des pommes de mai qui ont le goût de la pêche et de la framboise. Le noyer noir, l'érable, le sumac fournissaient le vin à notre table. Quelquefois, j'allais chercher parmi les roseaux une plante dont la fleur allongée en cornet contenait un verre de la plus pure rosée. Nous bénissions la Providence qui, sur la faible tige d'une fleur, avait placé cette source limpide au milieu des marais corrompus, comme elle a mis l'espérance au fond des cœurs ulcérés par le chagrin, comme elle a fait jaillir la vertu du sein des misères de la vie. Hélas, je découvris bientôt que je m'étais trompé sur le calme apparent d'Atala. À mesure que nous avancions, elle devenait triste. Souvent, elle tressaillait sans cause et tournait précipitamment la tête. Je la surprenais, attachant sur moi un regard passionné qu'elle reportait vers le ciel avec une profonde mélancolie. Ce qui m'effrayait surtout était un secret, une pensée cachée au fond de son âme que j'entrevoyais dans ses yeux. Toujours m'attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances quand je croyais avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvais au même point. Que de fois elle m'a dit « Oh, mon jeune amant, je t'aime comme l'ombre des bois au milieu du jour. Tu es beau comme le désert, avec toutes ses fleurs et toutes ses brises. Si je me penche sur toi, je frémis. Si ma main tombe sur la tienne, il me semble que je vais mourir. L'autre jour, le vent jeta tes cheveux sur mon visage, tandis que tu te délassais sur mon sein. Je crus sentir le léger toucher des esprits invisibles. Oui, j'ai vu les chevrettes de la montagne d'Ocone. J'ai entendu le propos des hommes rassasiés de jour. Mais la douceur des chevreaux et la sagesse des vieillards sont moins plaisantes et moins fortes que tes paroles. Eh bien, pauvre Shaktas, je ne serai jamais ton épouse. » Les perpétuelles contradictions de l'amour et de la religion d'Atala, l'abandon de sa tendresse et la chasteté de ses mœurs, la fierté de son caractère et sa profonde sensibilité, l'élévation de son âme dans les grandes choses, sa susceptibilité dans les petites, tout en faisait pour moi un être incompréhensible. Atala ne pouvait pas prendre sur un homme un faible empire. Pleine de passion, elle était pleine de puissance. Il fallait ou l'adorer ou la haïr. Après 15 nuits d'une marche précipitée, nous entrâmes dans la chaîne des monts Aleganis et nous atteignîmes une des branches du Tenace, fleuve qui se jette dans l'Ohio. Aidé des conseils d'Atala, je bâtis un canot que j'enduisis de gomme de prunier, après en avoir recousu les écorces avec des racines de sapin. Ensuite, je m'embarquai avec Atala et nous nous abandonnâmes au cours du fleuve. Le village indien de Stikoé, avec ses tombes pyramidales et ses huttes en ruines, se montrait à notre gauche, au détour d'un promontoire. Nous laissions à droite la vallée de Kéof, terminée par la perspective des cabanes de Jorée, suspendues au front de la montagne du même nom. Le fleuve qui nous entraînait coulait entre de hautes falaises, au bout desquelles on apercevait le soleil couchant. Ces profondes solitudes n'étaient point troublées par la présence de l'homme. Nous ne vîmes qu'un chasseur indien qui, appuyé sur son arc et immobile sur la pointe d'un rocher, ressemblait à une statue élevée dans la montagne au génie de ces déserts. Atala et moi nous joignons notre silence au silence de cette scène. Tout à coup, la fille de l'exil fit éclater dans les airs une voix pleine d'émotion et de mélancolie. Elle chantait la patrie absente. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Si le jet bleu du Mechasebe disait à la non pareille des Florides, pourquoi vous plaignez-vous si tristement? N'avez-vous pas ici de belles eaux et de beaux ombrages et toutes sortes de pâtures comme dans vos forêts? Oui, répondrait la non pareille fugitive, mais mon nid est dans le jasmin. Qui me l'apportera? Et le soleil de ma savane, l'avez-vous? Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Après les heures d'une marche pénible, le voyageur s'assied tranquillement. Il contemple autour de lui les toits des hommes. Le voyageur n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le voyageur frappe à la cabane. Il met son arc derrière la porte. Il demande l'hospitalité. Le maître fait un geste de la main. Le voyageur reprend son arc et retourne au désert. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Merveilleuses histoires racontées autour du foyer, tendres épanchements du cœur, longues habitudes d'aimer si nécessaires à la vie. Vous avez rempli les journées de ceux qui n'ont point quitté leur pays natal. Leurs tombeaux sont dans leur patrie, avec le soleil couchant, les pleurs de leurs amis et les charmes de la religion. Heureux ceux qui n'ont point vu la fumée des fêtes de l'étranger et qui ne se sont assis qu'au festin de leur père. Ainsi chantait Atala. Rien n'interrompait ses plaintes, hors le bruit insensible de notre canot sur les ondes. En deux ou trois endroits seulement, elles furent recueillies par un faible écho, qui les redit un second plus faible, et celui-ci un troisième plus faible encore. On eût cru que les âmes de deux amants, jadis infortunés comme nous, attirés par cette mélodie touchante, se plaisaient à en soupirer les derniers sons dans la montagne. Cependant la solitude, la présence continuelle de l'objet aimé, nos malheurs même, redoublaient à chaque instant notre amour. Les forces d'Atala commençaient à l'abandonner, et les passions, en abattant son corps, allaient triompher de sa vertu. Elle priait continuellement sa mère, dont elle avait l'air de vouloir apaiser l'ombre irritée. Quelquefois, elle me demandait si je n'entendais pas une voix plaintive, si je ne voyais pas des flammes sortir de la terre. Pour moi, épuisé de fatigue, mais toujours brûlant de désir, songeant que j'étais peut-être perdu sans retour au milieu de ces forêts, 100 fois je fus prêt à saisir mon épouse dans mes bras, 100 fois je lui proposai de bâtir une hutte sur ses rivages et de nous y ensevelir ensemble. Mais elle me résista toujours. « Songez, me disait-elle, mon jeune ami, qu'un guerrier se doit à sa patrie. Qu'est-ce qu'une femme auprès des devoirs que tu as à remplir? Prends courage, fils d'Utalitsi, ne murmure point contre ta destinée. Le cœur de l'homme est comme l'éponge du fleuve, qui tantôt boit une onde pure dans les temps de sérénité, tantôt s'enfle d'une eau bourbeuse, quand le ciel a troublé les eaux. L'éponge a-t-elle le droit de dire « Je croyais qu'il n'y aurait jamais d'orage, que le soleil ne serait jamais brûlant ?» Oh, René, si tu crains les troubles du cœur, défie-toi de la solitude. Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c'est les rendre à leur empire. Accablés de soucis et de craintes, exposés à tomber entre les mains des Indiens ennemis, à être englouti dans les eaux, piqué des serpents, dévoré des bêtes, trouvant difficilement une chétive nourriture et ne sachant plus de quel côté tourner nos pas, nos maux semblaient ne pouvoir plus s'accroître, lorsqu'un accident y vint mettre le comble. C'était le 27e soleil depuis notre départ des cabanes. La lune de feu, mois de juillet, note de l'auteur, avait commencé son cours et tout annonçait un orage. Vers l'heure où les matrones indiennes suspendent la crosse du labour aux branches du savinier et où les perruches se retirent dans le creux des cyprès, le ciel commença à se couvrir. Les voix de la solitude s'éteignirent, le désert fit silence et les forêts demeurèrent dans un calme universel. Bientôt, les roulements d'un tonnerre lointain, se prolongeant dans ces bois aussi vieux que le monde, en firent sortir des bruits sublimes. Craignant d'être submergés, nous nous hâtâmes de gagner le bord du fleuve et de nous retirer dans une forêt. Ce lieu était un terrain marécageux. Nous avancions avec peine sous une voûte de smilax, parmi des ceps de vignes, des indigos, des phaséoles, des lianes rampantes qui entravaient nos pieds comme des filets. Le sol spongieux tremblait autour de nous, et à chaque instant nous étions prêts d'être engloutis dans des fondrières. Des insectes sans nombre, d'énormes chauves-souris nous aveuglaient. Les serpents à sonnette bruissaient de toutes parts, et les loups, les ours, les carcajous, les petits tigres qui venaient se cacher dans ces retraites, les remplissaient de leurs rugissements. Cependant l'obscurité redouble. Les nuages abaissés entrent sous l'ombrage des bois. La nue se déchire, et l'éclair trace un rapide losange de feu. Un vent impétueux sorti du couchant roule les nuages sur les nuages. Les forêts plient, le ciel s'ouvre coup sur coup, et à travers ces crevasses, on aperçoit de nouveaux cieux et des campagnes ardentes. Quel affreux, quel magnifique spectacle! La foudre met le feu dans les bois. L'incendie s'étend comme une chevelure de flammes. Des colonnes d'étincelles et de fumée assiègent les nues qui vomissent leur foudre dans le vaste embrasement. Alors le grand esprit couvre les montagnes d'épaisses ténèbres. Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus, formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l'incendie et la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Le grand esprit le sait. Dans ce moment, je ne vis qu'Atala, je ne pensais qu'à elle. Sous le tronc penché d'un bouleau, je parvins à la garantir des torrents de la pluie. Assis moi-même sous l'arbre, tenant ma bien-aimée sur mes genoux, et réchauffant ses pieds nus entre mes mains, j'étais plus heureux que la nouvelle épouse qui sent pour la première fois son fruit tressaillir dans son sein. Nous prêtions l'oreille au bruit de la tempête. Tout à coup, je sentis une larme d'Atala tomber sur mon sein. « Orage du cœur, m'écriai-je, est-ce une goutte de votre pluie ?» Puis, embrassant étroitement celle que j'aimais, « Atala, lui dis-je, vous me cachez quelque chose. Ouvre-moi ton cœur, ô ma beauté. Cela fait tant de bien quand un ami regarde dans notre âme. Raconte-moi cet autre secret de la douleur que tu t'obstines à taire. Ah, je le vois, tu pleures ta patrie. » Elle répartit aussitôt, « Enfant des hommes, comment pleurerais-je ma patrie puisque mon père n'était pas du pays des palmiers ?»« Quoi ? » répliquai-je, avec un profond étonnement. « Votre père n'était point du pays des palmiers ? Quel est donc celui qui vous a mise sur cette terre ? Répondez. » Atala dit ces paroles. « Avant que ma mère eût apporté en mariage au guerrier Simagan 30 cavales, 20 buffles, 100 mesures d'huile de gland, 50 pots de castor et beaucoup d'autres richesses, elle avait connu un homme de la chair blanche. Or, la mère de ma mère lui jeta de l'eau au visage et la contraignit d'épouser le magnanime Simagan, tout semblable à un roi et honoré des peuples comme un génie. Mais ma mère dit à son nouvel époux, « Mon ventre a conçu, tuez-moi. » Simagan lui répondit, « Le grand esprit me garde d'une si mauvaise action. Je ne vous mutilerai point, je ne vous couperai point le nez ni les oreilles parce que vous avez été sincère et que vous n'avez point trompé ma couche. Le fruit de vos entrailles sera mon fruit et je ne vous visiterai qu'après le départ de l'oiseau de rizière, lorsque la 13e lune aura brillé. » En ce temps-là, je brisais le sein de ma mère et je commençais à croître, fière comme une espagnole et comme une sauvage. Ma mère me fit chrétienne, afin que son Dieu et le Dieu de mon père fût aussi mon Dieu. Ensuite, le chagrin d'amour vint la chercher, et elle descendit dans la petite cave, garnie de pots, d'où l'on ne sort jamais. Telle fut l'histoire d'Atala. Et quel était donc ton père, pauvre orpheline ? Lui dis-je. Comment les hommes l'appelaient-ils sur la terre ? Et quel nom portait-il parmi les génies ? Je n'ai jamais lavé les pieds de mon père, dit Atala. Je sais seulement qu'il vivait avec sa sœur à Saint-Augustin et qu'il a toujours été fidèle à ma mère. Philippe était son nom parmi les anges, et les hommes le nommaient Lopez. À ces mots, je poussai un cri qui retentit dans toute la solitude. Le bruit de mes transports se mêla au bruit de l'orage. Serrant Atala sur mon cœur, je m'écriai avec des sanglots, « Oh, ma sœur ! Oh, fille de Lopez ! Fille de mon bienfaiteur !» Atala, effrayée, me demanda d'où venait mon trouble. Mais quand elle sut que Lopez était cet hôte généreux qui m'avait adopté à Saint-Augustin et que j'avais quitté pour être libre, elle fut saisie elle-même de confusion et de joie. C'en était trop pour nos cœurs que cette amitié fraternelle qui venait nous visiter et joindre son amour à notre amour. Désormais, les combats d'Atala allaient devenir inutiles. En vain, je la sentis porter une main à son sein et faire un mouvement extraordinaire. Déjà, je l'avais saisie, déjà, je m'étais enivré de son souffle. Déjà, j'avais bu toute la magie de l'amour sur ses lèvres. Les yeux levés vers le ciel, à la lueur des éclairs, je tenais mon épouse dans mes bras en présence de l'Éternel. Pompe nuptiale, digne de nos malheurs et de la grandeur de nos amours. Superbe forêt qui agitiez vos lianes et vos dômes comme les rideaux et le ciel de notre couche. Pins embrasés qui formiez les flambeaux de notre hymen. Fleuves débordés, montagnes mugissantes, affreuse et sublime nature, n'étiez-vous donc qu'un appareil préparé pour nous tromper? Et ne pûtes-vous cacher un moment dans vos mystérieuses horreurs la félicité d'un homme? Atala n'offrait plus qu'une faible résistance. Je touchais au moment du bonheur, quand tout à coup, un impétueux éclair, suivi d'un éclat de la foudre, sillonne l'épaisseur des ombres, remplit la forêt de soufre et de lumière, et brise un arbre à nos pieds. Nous fuyons, oh surprise! Dans le silence qui succède, nous entendons le son d'une cloche. Tous deux interdits, nous prêtons l'oreille à ce bruit si étrange dans un désert. À l'instant, un chien aboie dans le lointain. Il approche, il redouble ses cris, il arrive, il hurle de joie à nos pieds. Un vieux solitaire, portant une petite lanterne, le suit à travers les ténèbres de la forêt. « La Providence soit bénie » s'écria-t-il aussitôt qu'il nous aperçut. Il y a bien longtemps que je vous cherche. Notre chien vous a senti dès le commencement de l'orage, et il m'a conduit ici. Bon Dieu, comme ils sont jeunes, pauvres enfants, comme ils ont dû souffrir. Allons, j'ai apporté une peau d'ours, ce sera pour cette jeune femme. Voici un peu de vin dans notre calebasse. Que Dieu soit loué dans toutes ses œuvres, sa miséricorde est bien grande, et sa bonté est infinie. Atala était au pied du religieux. « Chef de la prière, lui disait-elle, je suis chrétienne, c'est le ciel qui t'envoie pour me sauver. » « Ma fille, dit l'ermite en la relevant, nous sonnons ordinairement la cloche de la mission pendant la nuit et pendant les tempêtes, pour appeler les étrangers, et, à l'exemple de nos frères des Alpes et du Liban, nous avons appris à notre chien à découvrir les voyageurs égarés. » Pour moi, je comprenais à peine l'ermite. Cette charité me semblait si fort au-dessus de l'homme que je croyais faire un songe. À la lueur de la petite lanterne que tenait le religieux, j'entrevoyais sa barbe et ses cheveux tout trempés d'eau. Ses pieds, ses mains et son visage étaient ensanglantés par les ronces. « Vieillard, m'écriai-je enfin, quel cœur as-tu donc, toi qui n'as pas craint d'être frappé par la foudre ?»« Craindre, répartit le père avec une sorte de chaleur, craindre ! Lorsqu'il y a des hommes en péril et que je leur puisse être utile, je serai donc un bien indigne serviteur de Jésus-Christ. Mais sais-tu, lui dis-je, que je ne suis pas chrétien. Jeune homme, répondit l'ermite, vous ai-je demandé votre religion? Jésus-Christ n'a pas dit « Mon sang lavera celui-ci et non celui-là ». Il est mort pour le juif et le gentil, et il n'a vu dans tous les hommes que des frères et des infortunés. Ce que je fais ici pour vous est fort peu de chose, et vous trouveriez ailleurs bien d'autres secours. Mais la gloire n'en doit point retomber sur les prêtres. Que sommes-nous, faibles solitaires, sinon de grossiers instruments d'une œuvre céleste? Et quel serait le soldat assez lâche pour reculer lorsque son chef, la croix à la main et le front couronné d'épines, marche devant lui au secours des hommes? Ces paroles saisirent mon cœur. Des larmes d'admiration et de tendresse tombèrent de mes yeux. « Mes chers enfants, dit le missionnaire, je gouverne dans ces forêts un petit troupeau de vos frères sauvages. Ma grotte est assez près d'ici, dans la montagne. Venez vous réchauffer chez moi. Vous n'y trouverez pas les commodités de la vie, mais vous y aurez un abri. Et il faut encore en remercier la bonté divine. Car il y a bien des hommes qui en manquent.